sunyoso tango ko lela seleki to komi na tango ko sepela tout le monde pepele Zambe na bongo Hey yes nanga Oh yes Seigneur foule, qu'on l'a pas pour la remercier. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Na mesana kotuna, na tuna les susu motuna. Seigneur.